إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 8 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et comme on expliquait depuis le début de cette série de cours, c'est une réfutation de la règle des Ikhwan qui disent que يعني, on s'excuse dans les choses sur lesquelles on est en divergence et on travaille ensemble, ou bien on cède, on coopère entre nous sur les choses dans lesquelles nous sommes d'accord. Et on expliquait que dans cette parole, il y a des choses qui sont en contradiction avec les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a, parce que c'est une parole qui n'est pas claire. Il faut spécifier, il faut clarifier les détails si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui est vrai dans cette expression-là et qu'est-ce qui est faux dedans aussi. Il faut clarifier et distinguer entre les deux. Donc, le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, c'est « As-Sahaba ikhtalafu fi al-daqa'iq ». C'est-à-dire, les Sahaba, ils ont divergé dans les choses qui sont vraiment des détails très très précis et très détaillés de la religion, tandis que dans les choses qui sont très connues, grandes, et les choses importantes, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les choses dans lesquelles ils ont divergé ne sont pas importantes aussi, mais c'est juste pour faire comprendre en fait que il y a des choses qui sont claires, apparentes et connues de tout le monde, et il y a des choses au sujet desquels il y a eu quelques divergences dans des choses qui sont vraiment les petits détails de la Aqida. Et là, on voit qu'il y a eu des divergences entre les Sahaba. Toutefois, qu'est-ce qu'on remarque de la part de certains Hizbiyin, ou bien de certains parmi des groupes des gens de Bid'a, qui essaient de mettre de l'importance, ou qui essaient de mettre de l'emphase sur ces petites divergences qui se sont produites entre les Sahaba. Et puis, ils répondent, par exemple, quand on les appelle, quand on leur dit, par exemple, il faut suivre la voie des salafs et il faut revenir à la compréhension des salafs salih, eux, ils répondent en disant, oui, mais même les salafs, ils ont eu des divergences entre eux. Hein, ils n'étaient pas toujours d'accord, ou ils n'étaient pas toujours unis. Et ça, ce n'est pas un problème pour comprendre ou pour suivre le manhaj des salafs en réalité. Puisque la chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on dit qu'on suit le manhaj des salafs, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir parfois des divergences entre les salafs. Ça veut dire que lorsqu'il y a de la divergence, il y a une attitude à adopter et il y a un manhaj à suivre par rapport aux divergences. Et c'est là que entre en ligne de compte le fait de suivre le manhaj des salafs. C'est justement de suivre le manhaj des salafs face à la divergence. Hein? C'est-à-dire de savoir comment eux ont réagi face à la divergence et d'agir de la même manière qu'eux. Et c'est pas de l'idée des Ikhwan qui s'imaginent que, par exemple, quand il y a une divergence, il faut tous chacun qu'on s'excuse les uns les autres et puis qu'on accepte la divergence de l'autre sans prendre en considération quelle catégorie de divergence il s'agit, et sans prendre en considération est-ce que c'est une divergence dans les fondements ou dans les principes qui découlent de ces fondements, ou bien est-ce que c'est une divergence qui est basée sur des textes et des preuves qui sont claires et qui sont explicites, ou bien est-ce que c'est une divergence qui est basée sur les passions, l'arrogance, l'orgueil et l'opposition à la vérité, ainsi de suite. Est-ce que c'est des bid'ah, ou bien est-ce que c'est des choses qui sont, des questions qui ont rapport avec l'ijtihad ou d'autres. Donc, il faut prendre en considération tous ces détails. Et comme j'expliquais une fois, j'avais reçu un email d'un frère. Et puis dans cet email, il m'avait envoyé un passage, comme je l'expliquais déjà, des paroles d'Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. Dans un des volumes, il parle des questions de divergences qui sont arrivées entre certains des salafs dans des questions de aqida. Et il essaie de justifier donc les divergences entre les groupes et entre les jama'at et entre les différentes tendances, en se basant sur justement les divergences qui existaient entre les sahaba dans cet exemple qui était des paroles ou des citations d'Ibn Taymiyyah. Comme je l'ai expliqué déjà, ces divergences-là entre les sahaba qui sont mentionnées dans ce passage dans Majmu' al-Fatawa, ce sont des divergences qui sont dans des petits détails des questions d'Aqida et qui sont basées sur le fait que, par exemple, certains sahaba n'avaient pas entendu le hadith en question, et donc eux, ils avaient une position différente à cause justement du fait qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cette sunna, tandis que d'autres sahaba qui avaient eu connaissance de la sunna qui se référait à cette question-là en particulier, eh bien eux, ils s'étaient limités à la sunna dans cette question-là. Et donc ça, c'est pour faire comprendre que la divergence est souvent causée par une différence de compréhension ou une différence de connaissance quand c'est des questions qui ont rapport avec le fait que ce sont des gens qui suivent la voie de Ahl-Sunnah et qui sont sur le même manhaj et qui aiment la vérité et qui cherchent uniquement la vérité. Et bien ceux-là, quand ils divergent, c'est souvent à cause de ça, une différence dans la connaissance et une différence dans la compréhension, ou bien des erreurs qu'ils peuvent faire parfois dans leur jugement. Donc ça, c'est des exemples. Et puis c'était dans cette catégorie-là qu'on pouvait classer les divergences qui étaient mentionnées par le Cheikh Ibn Taymiyyah dans cette citation-là. Donc, et on voit que c'était exactement ça dont Ibn Taymiyyah parlait par rapport au contexte. Parce que lorsqu'on retourne à la citation en question, les choses qui étaient mentionnées avant et après cette citation-là, c'était des exemples du fait qu'on parlait du mujtahid et que le mujtahid devait juger selon la connaissance qu'il possédait au moment où la question lui était posée. Donc quelqu'un à qui on pose une question et que c'est un mujtahid et c'est un savant de l'islam, il doit répondre à cette question selon la connaissance qu'il possède au moment où on lui pose cette question. Toutefois, si par la suite cette personne trouve une autre connaissance ou des détails plus approfondis qui concernent cette même question-là, bien entendu, ils vont changer leur réponse et élaborer et clarifier la position de Ahl-Sunnah dans cette question-là. Donc on va commencer tout de suite avec le chapitre As-Sahaba Tukhtalafu fi Taqa'iq. Les Sahaba, donc, ils ont divergé dans quelques points, des petits détails de la Aqida qui sont très très détaillés, très très difficiles à trouver parfois la compréhension dans ces détails-là. La plupart des musulmans, ils ignorent même ces questions-là en principe. Donc le Cheikh, il dit As-Sahaba radiyallahu anhum lam yikhtalifu fil masail al-jaliyya li'an bayan mithli hadha kana zahiran baynahum وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل كالطلاق والفرائض بسبب الاختلاف في استخراج دقائق معاني الشرع فلم يقع بينهم نزاع في مسائل الإيمان والقدر والأسماء والصفات والوعد والوعيد قال الشاطبي ف فإن الخلاف في زمن الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد في إثبات بإثبات الأسماء والصفات بواسطة مجموع الفتاوى، فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا شرعا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا. فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في أصول لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. Donc ici, le cheikh il commence à expliquer, il dit que les sahaba, radiallahu anhum, ils n'ont pas divergé dans les questions qui sont très claires et apparentes. Ils n'ont pas divergé dans les questions qui sont très claires et apparentes, comme on a expliqué depuis le début. Parce que ces choses-là sont apparentes et claires entre eux, ces connaissances-là et ces informations-là étaient répandues parmi les sahaba. Donc ils n'avaient aucune raison de diverger. Les divergences sont apparues uniquement dans certaines questions qui sont plus détaillées et plus compliquées, comme par exemple les questions de divorce, les questions d'héritage, et les raisons de ces divergences-là sont parce que dans ces questions-là, souvent on a besoin de faire sortir des significations plus précises et plus détaillées de la charia. Et donc, dans ces détails-là, on a besoin de connaissances beaucoup plus approfondies, et c'est là qu'on voit apparaître les différences de compréhension et les différences de science qui existaient entre les sahaba. C'est pour ça que parfois il pouvait y avoir quelques divergences dans ces questions-là. Mais le cheikh il dit sinon, فَلَمْ يَقْعَ بَيْنَهُمْ نِزَعٌ فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ. Dans toutes les questions qui ont rapport avec la foi, avec la prédestination, al-qadar, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wa'd wal-wa'id, c'est-à-dire la menace et la promesse, la menace du châtiment de l'enfer et la promesse du paradis, tout ce qui a rapport avec ces questions-là, il n'y avait pas de divergence entre les sahaba. Et on voit qu'il y a eu des divergences entre les sahaba dans les questions, comme on a dit tout à l'heure, qui étaient plus détaillées dans les questions de fiqh. Mais en ce qui concerne les fondements de la foi, de la prédestination, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la menace et de la promesse, en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec les fondements de l'aqidah, il n'y a pas de divergence entre les sahaba. D'accord? Et juste pour clarifier ici un point, c'est que toutes ces questions qu'on vient de mentionner là sont des questions sur lesquelles les gens de Bid'a qui ont amené des sectes dans l'islam, eux ils ont divergé sur ces questions-là. Ils ont divergé sur ces questions-là, comme par exemple dans le Qadar, dans l'Asma wa Sifat et dans Al-Wa'd wal-Wa'id, on a vu apparaître des groupes et des sectes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont divergé dans ces questions-là. Mais ces groupes et ces sectes-là ne faisaient pas partie des sahaba. Dans ces questions-là, ceux qui ont divergé. La plupart, c'était des gens qui, soit c'était des gens qui étaient parmi des bédouins, qui étaient éloignés, ou bien qui étaient des gens qui s'étaient nouvellement convertis à l'islam et qui ramenaient avec eux toutes sortes d'idées et qui mélangeaient ça avec l'islam. Hein? Comme Abdullah ibn Saba, par exemple, qui était un yéménite d'origine juive, hein, qui était de religion juive, qui s'est converti, puis qui a ramené avec lui à l'intérieur pour mélanger les musulmans puis créer de la confusion entre eux, et c'est ça qui était à l'origine de qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la religion des Shi'as ou bien des Rafidah, qui ont ramené beaucoup d'innovations à l'intérieur de l'islam. Et puis, par exemple, Ma'bad al-Juhani, qui a ramené des divergences en ce qui concerne la prédestination. Et d'autres aussi par la suite qui ont amené d'autres innovations aussi. Du fait qu'ils sont rentrés en contact avec des philosophes ou bien avec d'autres personnes de d'autres croyances et qu'ils ont été mélangés dans les questions de Aqidah. Et ils ont ramené des innovations et des contradictions dans leur compréhension de la Aqidah par la suite. Mais on ne trouve pas de ces divergences-là parmi les Sahaba. Donc l'imam al-Shatibi, il dit dans Al-I'tisam, le volume 2, à la page 191, les divergences à l'époque des Sahaba, jusqu'à aujourd'hui, arrivaient dans les questions d'Ijtihad. Arrivaient uniquement dans les questions d'Ijtihad. Et il mentionne aussi par la suite une citation qui est tirée de Majmou' al-Fatawa, le volume 5 à la page 71. Mais il cite les paroles de Ibn Taymiyyah qui mentionne les paroles d'un autre imam, c'est-à-dire l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif, dans son livre Intiqad al-Tawhid bi Ithbat al-Asma'i wa al-Sifat. Et il dit que les paroles des Muhajirin et des Ansar sont toutes en accord entre elles dans les questions qui ont rapport avec le Tawhid et dans les questions qui ont rapport avec le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que son décret. Et donc, entre eux, il n'y a qu'une seule parole sur ces questions-là. Et ils se basent, bien entendu, sur la révélation qui est claire et apparente dans ces questions-là. Et c'est eux qui nous ont transmis la croyance et qui nous ont transmis l'islam et la religion de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné par la suite le hadith qui dit « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ إِلَىٰ آخِرَ الْحَدِيثِ » Et je vous incite de suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Et puis il a mentionné par la suite également l'autre hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui a fait une innovation ou qui a inventé quelque chose dans cette religion-là. Donc ça c'est dans ces questions-là. Après il dit « فَكَانَتْ كَلِمَةُ الصَّحَابَ عَلَى الْاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ اِخْتِلَافِ وَهُمُ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِالْأَخْذِ عَنْهُمْ » Donc les Sahaba, ils étaient tous d'accord dans ces questions-là, dans les fondements de la foi et de la croyance, et ils n'avaient pas de divergence entre eux dans ces questions-là. Et on a été ordonné et commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de prendre notre religion, de même que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a été ordonné de prendre notre compréhension et notre religion des sahaba. Et ils n'ont pas divergé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas divergé dans les règles du tawhid et dans les fondements de la religion, que ce soit dans les noms et dans les attributs ou bien dans les autres fondement de la foi. Comme par exemple dans Al-Asma wa Sifat, on connaît le manhaj des salaf, c'est d'accepter et de croire en tout ce qui a été mentionné et rapporté par yani du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme hadith authentique qui explique les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien les versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. D'accord? Donc, ils croyaient en ces attributs-là et ils les prenaient tels qu'ils étaient. Et, bien entendu, ils ne faisaient pas de ressemblance avec la création, entre Allah et sa création. Ils ne demandaient pas comment étaient ces attributs-là. Ils ne demandaient pas le kayf. Ils ne faisaient pas de tahrif, dans le sens qu'ils ne déformaient pas le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur donner une signification contraire à celui qui est connu dans la langue arabe, et également il ne faisait pas de tamthil, de chercher à faire des ressemblances entre Allah subhanahu wa ta'ala et de ta'til également, c'est-à-dire de vider les attributs de leur sens réel et de pas affirmer leur signification. Donc ça, c'est des explications qui ont été données au sujet de la croyance en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les sahaba étaient d'accord sur ça. Les divergences qui sont apparues par la suite de la part des Jahmiyyah et des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiya et des autres qui ont divergé sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est les divergences qui sont apparues après les Sahaba. D'accord? Donc, le Cheikh il dit, il n'y a pas eu de divergence sur les fondements de la croyance et de la religion et dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une vérité. À l'époque, les Sahaba n'ont pas divergé. Aujourd'hui, quand, si on demandait aux musulmans, ou si on regardait dans les différents groupes, ou dans les différentes tendances parmi les musulmans, est-ce qu'il y a des divergences à ces sujets-là? On voit qu'il y a des divergences aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de divergences à l'époque des Sahaba. Ces divergences-là sont apparues par la suite. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, et ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait en sorte justement qu'il y ait cet accord-là entre les Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les fondements de la croyance, parce que ça nous donne une référence qui nous permet de retourner à la base et de dire voici la vérité, voici sur quoi on doit s'unir, puisque ceux qui étaient là au début, au tout début de l'islam, eux ils étaient tous unis sur ces questions-là, donc nous on n'a pas de raison ou d'excuse de diverger sur ces questions-là. Donc c'est pour ça que lorsque les Ikhwan ils nous disent par exemple, et on s'excuse dans les choses dans lesquelles sur lesquelles on diverge, eh ben nous on regarde par exemple dans quel exemple, dans quel principe ou dans quel exemple des différents exemples dans lesquels ils divergent entre eux ces groupes-là, comme les Ikhwan par exemple, eh ben on retrouve parmi eux des gens de toutes sortes de croyances. On retrouve déjà que le fondateur lui-même de ce groupe il est avec une aqida soufia et ash'ariya et il fait le tafwid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous dit bon, ça déjà là il faut le ramener à la voie des salafs et voir c'était quoi la position des salafs dans ces divergences là et si les salafs n'ont pas divergé dans ces questions là et qu'ils étaient clairs et qu'on voit que la position des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala était en contradiction avec la position de Hassan al-Banna et la position des Soufiyas ou bien des choses de ce genre. Donc on voit qu'il y a une contradiction ici entre la voie des salaf salih et la aqida de certains parmi les groupes qui sont supportés et défendus dans le groupe des Ikhwan ou des groupes de d'autres tendances également. Et donc c'est pour ça qu'on dit à ces gens-là, on ne peut pas s'excuser dans ces choses-là entre nous. Il faut revenir à la vérité dans ces questions-là. D'accord. Donc, le cheikh il dit contrairement aux questions qui ont rapport avec al-furu', c'est-à-dire des questions qui ont rapport avec les choses qui sont qui découlent des fondements de la religion, qui ont rapport plus avec l'application de la religion ou bien des principes de fiqh ou d'autres choses de ce genre. Dans ces questions-là, qui sont plus détaillées ou qui sont plus compliquées, qui demandent une connaissance plus approfondie, on voit qu'il y a eu des divergences entre eux dans leur jugement et dans leur connaissance. À cause de ça, il y a eu des divergences entre eux. Et ces divergences-là nous ont été ramenées. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les livres de fiqh, ils vont te rapporter les divergences qui sont arrivées entre les différents sahaba ou bien entre les différents tabi'in ou entre les imams de l'islam sur les différentes questions de fiqh et d'ijtihad. Donc ces divergences-là, on les a rapportées. Toutefois, quand c'est les questions de fondement, de croyance et de foi, on ne nous rapporte aucune divergence. C'est la preuve qu'il n'y avait pas de divergence entre eux dans ces questions-là. Et s'il y avait une divergence, on nous l'aurait transmis, on nous l'aurait rapporté, hein, comme on nous a rapporté les autres divergences. Donc, le cheikh il dit « فَاسْتَقَرَّ صِحَّةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءَ الْمَعْرُوفِينَ حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. Il dit que donc les choses, l'authenticité de ces choses-là nous a été connue par les ulama à l'époque, du fait que ces choses-là nous ont été transmises de façon authentique génération après génération et il n'y a pas eu de divergence entre les. On voit clairement qu'il n'y a pas eu de divergence entre les Sahaba dans ces questions de fondement et de aqida, dans les bases de l'aqida et les fondements des principes de la croyance. Et pourquoi? Parce que pour les Sahaba, c'était considéré comme une forme de mécréance ou comme une forme de kufr qu'il y ait une divergence dans ces questions-là. Donc, alhamdoulillah. Après, il mentionne une autre citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah, le volume 6 à la page 336. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه نافلين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين. Le Cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit dans Minhaj al-Sunnah, le volume 6 à la page 336, et Minhaj al-Sunnah c'est un livre qui est publié maintenant en plusieurs volumes et qui réfute les croyances des Rafidah et des Mu'tazila dans l'Aqidah. Donc c'est un livre, Minhaj al-Sunnah, qui fait partie des livres les plus importants de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il ne fait pas partie de Majmu' al-Fatawa, il ne fait pas partie de son recueil de Fatawa. C'est un livre qui a été publié à part, hein. Et c'est un de ses meilleurs livres. Il a réfuté les Rafidah dans ce livre-là, et c'est un livre très fort et très puissant. Dans ce livre-là, il dit qu'est-ce qu'on essaie de but de ce qu'on est en train d'expliquer, et l'explication c'est que les Sahaba ils ne se sont pas combattus entre eux du tout à cause d'une divergence dans un principe parmi les fondements de l'islam à la base. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu des combats entre les Sahaba, c'était pas du tout à cause de ça, et c'était pas du tout pour ça, parce que ils n'ont pas divergé entre eux dans les principes de la religion et dans les fondements de l'islam et dans les fondements de la croyance. Ils n'ont pas divergé dans ces questions-là. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, ils n'ont pas divergé dans les attributs, dans As-Sifat, ils n'ont pas divergé dans Al-Qadar, ils n'ont pas divergé dans les questions qui ont rapport avec les noms et les règles de la religion. Quand on dit les noms et les règles, c'est-à-dire par exemple les noms, comme par exemple mu'min, kafir, munafiq, il y en a des noms qui ont été rapportés dans la charia et qui ont des significations. Donc ils n'ont pas divergé au sujet de ces noms-là, quand est-ce qu'on doit les donner et à qui on doit les donner, et les règles qui se rattachent à ces noms-là, c'est-à-dire les règles qu'on doit appliquer par rapport à aux gens qui porte ces noms-là, ces différents noms-là, soit mu'min ou muslim, ou bien kafir ou mushrik ou munafiq. C'est ça ce qu'on appelle les questions de noms et de les noms et les règles, d'accord? Savoir à qui on peut donner ces noms, à qui on ne peut pas les donner, et les règles qui se rattachent et qui sont rattachées à ces règles, à ces différents noms-là. Ça c'est des questions sur lesquelles les khawarij ont divergé, de même que les murji'a et d'autres également parmi les sectes de Bid'ah. Donc, c'est ça. Les Sahaba n'ont pas divergé, eux, entre eux dans ces questions-là. Et ils n'ont pas divergé non plus sur les questions qui ont rapport avec Al-Imam, c'est-à-dire les questions qui ont rapport avec qui est-ce qui va être le Khalifa ou qui est-ce qui va être le dirigeant. Ces choses-là étaient claires entre eux, contrairement aux Shia Rafida qui ont divergé par la suite, hein. Mais à la base, les Sahaba, eux, à leur époque, il n'y avait pas de divergence entre eux dans ces questions-là. Et ça aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le Cheikh il dit وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ بِالْإِخْتِصَامِ بِالْأَقْوَالِ, c'est-à-dire ils ne se sont pas disputés entre eux même dans ces questions-là. Quand on dit qu'ils n'ont pas divergé, c'est-à-dire ils n'ont pas divergé ni dans les disputes verbales qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres, encore moins avec les épées. Disons, ils n'ont pas divergé entre eux en se disputant entre eux avec la parole, et encore moins en se combattant les uns les autres avec l'épée, hein. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu des combats ou des accords entre eux et qu'ils se sont combattus les uns les autres, c'était pas du tout à cause de ces questions de foi et de croyance, D'accord? Le cheikh, il dit, ils avaient tous affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah nous en a informé à son sujet, et ils ont tous nié les ressemblances qui pouvaient être faites entre le créateur et la créature. C'est-à-dire, ils ont nié toute forme de ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs des créatures. D'accord? Donc, il n'y avait pas de divergence entre eux sur ces questions-là. Après le cheikh, il dit, وَقَالَ أَيْضًا وَلَكِنْ هَذَا وَهَذَا قَدْ يَقَعَانْ فِي خَفِيِّ الْأُمُورِ وَدَقِيقِهَا بِاجْتِهَادٍ مِنْ أَصْحَابِهَا فَاسْتَفْرَغُوا فِيهَا وَسْعَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَيَكُونُ لَهُمْ مِنَ الصَّوَابِ وَالِاتِّبَاعِ مَا يَغْمُرُ ذَلِكَ كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور في جلي الأمور وجليلها لأن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. Le Cheikh, il dit, et également, donc il cite une autre parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le volume 13 à la page 64 et 65 de Majmou' al-Fatawa. Ibn Taymiyyah, il dit, et il parle d'un sujet qui a rapport avec les divergences entre les sahaba, puis il dit que dans certains des petits détails, des choses très très très détaillées, très précises, qui sont cachées de certains, parce qu'il y en a certains qui vont ignorer ces questions-là ou qui ne les connaissent pas, il peut y avoir parfois des divergences qui sont à la base des divergences qui sont basées sur des formes d'ijtihad, c'est-à-dire que certains de ces savants ou de ces sahaba vont faire des ijtihad pour arriver à faire leur effort, le plus d'efforts qu'ils peuvent pour atteindre la vérité dans une question en particulier. Et le cheikh, il dit, وَيَكُونُ لَهُمْ مِنَ الصَّوَابِ وَالِتِّبَاعِ مَا يَغْمُرُ ذَلِكَ. Et donc, s'ils se trompent dans ces questions-là, ou s'ils ont divergé dans ces questions-là, ce sont des erreurs qu'ils ont faites dans leur ijtihad. Mais ces erreurs-là sont recouvertes par toutes les bonnes positions qu'ils ont eues et toutes les formes d'ittiba' qu'ils ont, dans le sens qu'ils ont suivi la sunna dans le reste de ce qu'ils ont comme connaissance et comme compréhension de la religion. Donc, en général, dans leur manhaj et dans leur façon de comprendre et de suivre l'islam et la croyance islamique et les principes de l'islam, ils ont toujours une position qui est correcte et ils suivent toujours, ils font toujours leur possible pour suivre la sunna. Donc, les petites erreurs qu'ils ont pu faire dans les questions d'ijtihad, dans ces questions-là, c'est recouvert par... Tout ça, c'est recouvert par le bien qu'ils ont dans le reste de leur position, hein, qui sont en accord avec la sunna et le manhaj de Ahl Sunna wal Jama'a. Comme le cheikh dit, comme des choses de ce genre ont pu se produire chez certains des sahaba, hein, dans les questions qui ont rapport avec le divorce ou avec l'héritage et des choses de ce genre. ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها. Et on n'a pas retrouvé ce genre de divergence là entre eux dans des questions qui sont connues et qui étaient répandues et dont la connaissance était partout et tout le monde connaissait ces questions là c'était des choses claires et apparentes, hein. Mais les questions de divorce et d'héritage, c'était des questions plus détaillées qui demandent une compréhension beaucoup plus approfondie de la charia, hein. Et donc c'est pour ça que dans ces questions-là, on a retrouvé parfois des divergences, hein. Mais pas dans les questions qui sont claires et apparentes et que tout le monde connaissait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué ces autres choses-là qui étaient très très claires à son époque. Et personne ne pouvait aller en opposition avec, opposer ou contredire les autres dans ces questions-là, puisque c'était des choses qui étaient claires et apparentes. Et non seulement ça, c'est que de contredire dans ces questions-là, ça aurait été équivalent à contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc le cheikh il dit que les sahaba, ils étaient mu'tasimuna bihablillah, c'est-à-dire c'était des gens qui s'accrochaient au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils retournaient au messager. Yuhakimuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils retournaient au messager comme pour qu'ils jugent entre eux dans toutes les disputes qui pouvaient se produire entre eux, dans quoi que ce soit des questions qui pouvaient apparaître entre eux. Donc, lorsqu'il y avait un désaccord ou un problème ou une divergence, tout de suite, ils allaient voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et ils lui demandaient de trancher entre eux et de clarifier pour eux la vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'ordonne dans le Coran. Lorsqu'il dit « Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli l'amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ». Donc ça veut dire que vous qui croyez, hein, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire que les sahaba, ils appliquaient ce verset-là. Ils appliquaient ce verset-là comme il faut. Et lorsqu'ils divergeaient entre eux, ils allaient tout de suite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils tranchent entre eux. Et aujourd'hui, nous aussi, on doit faire la même chose. Lorsqu'on a des divergences en quoi que ce soit, on doit la ramener à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager pour comprendre la vérité dans ces questions-là. Et la yataqaddamuna bayna yaday Allah wa rasul, c'est-à-dire les sahaba, ils ne s'avançaient jamais, hein, ils ne précédaient jamais Allah et son messager dans les jugements et dans les verdicts. Ils ne faisaient que suivre la révélation. Ils ne se mettaient pas au devant de la révélation avec leur jugement personnel et leurs opinions personnelles, puis par la suite opposer la révélation. Ils ne faisaient pas ça. Hein? Et ensuite, le cheikh il mentionne une autre parole de Ibn Taymiyyah encore une fois dans Majmu' al-Fatawa, le volume 19 à la page 274. Le cheikh il dit وقال أيضا وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقائق أو في الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصيبها الرجل من أولياءه التي يصيبها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. Donc le cheikh il mentionne dans cette citation, il dit c'est ainsi que également les sahaba, ils ont eu uniquement des divergences dans des choses au sujet desquelles ils ont manqué ou ils ont eu la connaissance leur avait été manquante dans cette question là c'est-à-dire ils n'ont pas entendu par exemple le verdict venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette question dans la charia, et donc ils ont utilisé leur jugement pour atteindre la vérité dans ces questions là tandis que ceux parmi les sahaba qui avaient eu accès à la sunna par rapport à cette question, eh bien eux, dans des cas pareils, ils ont jugé selon la sunna et ils ont eu la bonne réponse. Donc on a vu parfois, c'est ça, des divergences qui sont arrivées entre les sahaba, du fait que certains sahaba ignoraient certains hadiths que d'autres sahaba connaissaient. Et donc les sahaba jugeaient selon la connaissance qu'ils possédaient sur ces sujets-là et sur ces questions-là. Et puis, quand leur venait par la suite la clarification de la sunna, eh bien ils revenaient à la sunna. Et je suis certain que vous avez déjà tous entendu l'exemple de Abdullah ibn Abbas. On l'a cité dans plusieurs exemples et c'est mentionné souvent dans les livres, cet exemple là malgré qu'il y en a beaucoup d'autres exemples, mais c'est celle là qui est la plus qui est une des plus connues. Elle est dans Kitab al-Tawhid. C'est lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit aux gens qui voulaient pas suivre l'exemple du prophète ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le hajj, et la catégorie de hajj qu'il devait faire. Abdullah ibn Abbas, il ordonnait de faire le hajj tamattu'. Et les gens, ils disaient, ouais, mais Abu Bakr et Omar ont dit autrement. Et Abdullah ibn Abbas, il leur répondait en disant, je crains que des pierres tombent sur vos têtes, du ciel. Parce que je suis en train de vous dire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit telle chose, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, en voulant dire, est-ce que vous essayez de mettre les paroles de Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, à égalité avec la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous craignez pas que des pierres tombent sur vos têtes à cause de ça? C'est grave. Et là, et donc, c'est pour nous montrer que parfois il pouvait y avoir des différences de jugement entre les sahaba. Mais la vérité était toujours dans la position qui est en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se réfutaient les uns les autres et ils se clarifiaient les uns les autres la vérité entre eux, les sahaba. Ils ne se taisaient pas ou ils n'acceptaient pas la divergence de quelqu'un parmi les autres sahaba, si ils savaient que la position de vérité au sujet de cette question-là était différente. S'ils connaissaient la vérité sur une question, ils n'allaient pas se taire. Ils n'allaient pas dire, on va s'excuser dans nos divergences entre eux. Jamais. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre très bien ce point-là. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, ولكن هذا إنما يقع في النزاع في يقع النزاع في الدقيق منه. C'est juste dans les questions très très spécifiques et très détaillées dans lesquelles il y avait des divergences. Mais dans les choses qui sont claires et apparentes, il n'y avait pas de divergence entre les sahaba. Et les sahaba entre eux, ils ont divergé parfois dans certaines choses, mais jamais dans les questions de croyance et dans les fondements de la croyance. D'accord ? ولا في الطريق إلى الله التي يصيبها الرجل من أولياء. Okay. Et ils n'ont pas divergé non plus dans la voie à suivre pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, que l'homme peut atteindre et par laquelle il peut, c'est-à-dire la connaissance de laquelle il peut retrouver cette connaissance-là de la part des hommes pieux parmi les musulmans et des hommes vertueux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas divergé dans cette voie-là, contrairement aux soufis, par la suite, qui ont cru que on peut avoir plusieurs façons ou plusieurs chemins ou plusieurs voies pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que chacun d'entre eux, il rentre dans une tariqa soufia, il va donner une bay'a à un cheikh soufi et il s'imagine que en suivant la voie de ce cheikh soufi, il va arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est étrange parce qu'il y a des centaines et des centaines de turq soufiyah. Et chacune d'entre elles, elle est en contradiction avec l'autre. Et malgré tout, ils prétendent tous qu'ils sont en train d'amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les sahaba, ils n'ont suivi qu'une seule voie pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de quelle voie ces gens-là sont en train de parler? Quand ils parlent des turq soufiyah, ils sont en train de parler en réalité des voies d'égarement. Et c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné lorsqu'il a tracé la ligne droite et qu'il a dit voici le chemin d'Allah. Et puis à gauche et à droite de cette ligne, il a fait des petits traits et il a dit voici les chemins d'égarement. Et à la tête de chacun de ces chemins-là, il y a un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Et ça, c'est un exemple. Les turq soufiyah, ça rentre dans ces petites voies d'égarement et des chemins qui nous séparent et qui nous éloignent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc la voie pour aller à Allah, c'est en suivant le Coran et la Sunna et l'exemple des sahaba. Et il n'y a pas d'autre voie pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala que cette voie-là. Après, le cheikh il mentionne ensuite, il dit une autre citation dans Majmu' al-Fatawa, le volume 6 à la page 394. Ibn Taymiyyah il dit أما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في كثير من المجالس إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طلعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث ووقفت في من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف وكأني بقائل يقول إن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. Donc ça c'est, on va, bon là j'ai dépassé la citation. La citation d'Ibn Taymiyyah elle s'arrête à أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. On va lire cette citation-là, c'est très intéressant ici. Qu'est-ce que Ibn Taymiyyah il dit? C'est dans le volume 6 à la page 394 dans Majmou al-Fatawa. Il dit que en ce qui concerne, il dit, je vais dire quelque chose maintenant. Hein, il dit, je l'écris. Il dit, même si je l'ai jamais écrit auparavant dans ma réponse, dans mes réponses précédentes, mais je le dis souvent dans mes assemblées, lorsque je donne un cours, lorsque je parle avec des gens, je le mentionne. Toutefois, maintenant je l'écris pour que ce soit écrit, que tout ce qui est dans le Coran de mention des versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne retrouve aucune divergence entre les sahaba au sujet de leur interprétation. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah ici, c'est clair. Il dit, dans tout ce que tu retrouves des tafsirs au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est authentique bien sûr, hein, il faut bien noter ça, parce que des fois tu vas trouver des mubtadi'a qui vont s'accrocher à certaines citations qui sont rapportées mais qui sont da'ifa, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas authentiques, hein, donc ça, celles-là, on peut les mettre de côté, mais Ibn Taymiyyah, il dit, tu ne trouveras pas dans les interprétations des sahaba aucune divergence au sujet des versets qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'ai vérifié dans les tafsirs qui ont été rapportés des sahaba. Hein, et qu'est-ce qu'ils ont rapporté également comme hadith. Et j'ai eu accès à un grand nombre de tafsirs. Il dit, masha'Allah, hein, le nombre de tafsirs que j'ai eu l'occasion de consulter parmi les livres qui sont importants, très, très volumineux, et d'autres qui sont plus petits. Hein, des grands tafsirs et des petits tafsirs. J'ai eu l'occasion de lire plus qu'une centaine de tafsirs, des paroles et des tafsirs des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui aucun d'entre ces tafsirs qui mentionne une divergence dans l'interprétation des sahaba au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il dit, فَلَمْ أَجِدْ إِلَى سَعَةِ هَذِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابِ أَنَّهُ تَأَوَّلَ شَيْئًا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ أو أحاديث الصِّفَاتِ بِخِلَافِ مُقْتَضَاهَا الْمَفْهُومَ الْمَعْرُوفِ. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trouvé dans les explications et les interprétations des sahaba une interprétation dans laquelle un sahabi allait déformer ou changer le sens des versets qui parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui essayaient de faire sortir le sens de ces attributs-là en dehors de sa signification qui était bien connue et qui était impliquée et comprise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on comprend par le sens de ces attributs-là dans la langue arabe. On ne trouve pas de tels exemples dans les paroles des sahaba. Donc ça c'est la fin de la citation. Et donc ça c'est pour nous faire comprendre en fait que quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre que les sahaba, ils étaient tous d'accord là-dessus, il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait pas de soi-disant ta'wilat comme les ash'a'ira sont en train de faire. Hein, il voit l'istiwa, il voit Allah, il dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il dit non, c'est pas istiwa, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône. Istiwa, ça veut dire qu'il a conquis son trône, hein, ou bien qu'il a le pouvoir sur le trône. Et ils le traduisent en arabe par le mot istila. Et bien entendu, c'est une déformation du sens, hein, parce que ça ne veut pas dire ça. Le mot istiwa, ça ne veut pas dire ça dans la langue arabe du tout, hein. Et lorsqu'on retourne au dictionnaire classique de la langue arabe et aux explications des savants de la langue arabe de l'époque des salafs, on ne retrouve aucun d'entre eux qui dit une chose pareille. Donc ça, c'est une déformation, c'est une forme de ta'til, hein, une forme de tahrif aussi. Et donc ça, c'est rejeté, et on ne retrouve pas dans les paroles des sahaba ce genre de tahrif et ce genre de ta'wil, comme ils l'appellent. Il n'y en a pas de ce genre de choses dans les explications des sahaba. Après, le cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman, il clarifie ça et il donne des exemples que certains mubtadi'a parfois essaient de mentionner pour essayer de justifier certaines formes de ta'wil qu'ils font. Hein, pour essayer de dire, ben regardez, il y a des sahaba qui font des ta'wil, regardez la preuve, voici tel verset dans Surat Al-Qalam par exemple. Donc on va voir cet exemple, puis on va réfuter ça, on va voir la réponse à cette shubha. Le cheikh il dit, وَكَأَنِّي بِقَائِلٍ يَقُولُ إِنَّ الصَّحَابَةَ تَنَازَعُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ يَكْشِفُ عَنِ الشِّدَّةِ في الآخرة وعن أبي سعيد أنه عدها في الصفات فأقول لا تعارض بين القولين فإن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة عجز المنافقون عن السجود وتميز المؤمنون عن المنافقين وهذا الموقف من الشدة وهذه الآية يوم يكشف عن ساق الساق لم يضفها الله إلى نفسه كسائر الصفات ولكن ظهر بدليل آخر وهو حديث أبي سعيد أنها مضافة إلى الله. Donc voici l'explication. Le cheikh il dit, l'auteur du livre, il dit, c'est comme si quelqu'un venait par la suite maintenant pour dire comme supposition que les sahaba ont divergé au sujet du verset يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. Par exemple, le jour où on va découvrir la jambe. Ça c'est, si on le traduit littéralement, ça veut dire ça. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. Le jour où on va découvrir la jambe. Mais quand on lit dans le tafsir de Ibn Abbas, il a dit يُكْشَفُ أَنَّ اللَّهَ يكشف عن الشدة في الآخرة. Dans Surat Al-Qalam, laisse-moi juste trouver la traduction dans la traduction en français, comment ils l'ont traduit. Dans le verset 42 dans Surat Al-Qalam, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Ok, littéralement, le jour où un pied sera découvert, ou une jambe sera découvert. Ils disent donc que Abdullah, regardez, Abdullah ibn Abbas ici, lui, il a traduit ça comme le jour où l'horreur ou la difficulté sera découverte au jour de la résurrection. Et donc, c'est rapporté que ici, il a été interprété de cette façon-là. Puis, c'est rapporté également selon Abi Saïd, hein, que c'était compté parmi les attributs. Un autre sahabi qui l'a dit, que c'était mentionné et on les comptait parmi les attributs d'Allah, la jambe. Donc, il y a ils disent, regardez, il y a une divergence entre les sahabas ici ou bien une divergence d'interprétation. Il y en a qui disent que c'est l'horreur, et ça c'est comme si on essaie, ils pensent que ça c'est une forme de déformation du sens par rapport à l'attribut. On l'interprète par autre chose. Donc il dit ça, c'est une forme de ta'wil. Et un autre qui dit que ça fait partie des sifat. Et par exemple, les gens de Bid'a, ils utilisent ça souvent pour essayer de faire croire aux gens qu'il y a des formes de ta'wil que les sahaba ont fait. Et même le gars qui défend la aqidah des Asha'ira dans le site aslama.com, eh ben, il essayait dans ses audios d'expliquer justement ou de dire que les sahaba ont fait des formes de ta'wil. ils essaient de justifier ça justement par cet exemple. Donc on va voir comment on peut répondre à ça puis clarifier la réalité à ce sujet-là. Le cheikh, il dit, il n'y a pas du tout de contradiction entre les deux. Entre celui qui, entre la parole d'Abdullah ibn Abbas qui dit, le jour où on va découvrir l'horreur dans l'au-delà, et l'autre parole qui dit que c'est parmi les attributs, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il va découvrir sa jambe, au jour de la résurrection, les munafiqoun vont essayer de se prosterner. Hein? Mais ils ne seront pas capables de se prosterner. Comme c'est expliqué ça dans le hadith. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va découvrir sa jambe. Et tous les croyants vont se prosterner ce jour-là. Parce que c'est un signe. Hein? Donc ils vont tous se prosterner. Et les munafiqoun, eux, ceux qui dans la dunya se disaient parmi les croyants, parmi les musulmans, mais qui n'avaient pas réellement la foi, eux, ils vont essayer de se prosterner. Mais ils ne vont pas être capables. Leur colonne vertébrale va devenir comme un bâton droit, va devenir comme une tige, figée. Et à chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, ils vont retomber sur le dos. Et ils vont se relever, ils vont réessayer encore une fois de se prosterner, et leur colonne vertébrale devient comme une tige. Ils sont plus capables de se prosterner et de se plier le dos. Et donc, ça c'est un jour qui va être un jour d'horreur pour les gens. Et on appelle ça « ashidda », ça va être un jour difficile. Hein? Et donc, on peut facilement rassembler ces deux interprétations-là ensemble. C'est que le jour où Allah va découvrir sa jambe, c'est un jour où il y aura une grande difficulté pour les gens. Ce sera un jour où il y aura de l'horreur ce jour-là. Vous imaginez, hein? Ce jour-là, il y aura beaucoup de choses qui vont être très dures. Et donc, le cheikh, il dit, فَهَذِهِ الْآيَةِ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ السَّاقٍ. Hein, dans ce verset-là, quand on lit « Yawma yukshafu an saq », Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas dans ce verset-là que c'est sa jambe à lui. Hein. Il ne dit pas « An saq illa », par exemple. Il ne se l'attribue pas directement dans ce verset-là. Donc, ce n'est pas mentionné dans le verset comme étant un attribut d'Allah. C'est juste mentionné le jour où on va découvrir une jambe. Hein. Mais, lorsqu'on retourne au hadith, hein? Lorsqu'on retourne au hadith d'Abi Saïd au sujet de cet événement-là, on voit que cette jambe est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on dit oui, c'est un des attributs d'Allah, comme la main, comme l'œil, les yeux, hein? Et comme les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran, comme le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit affirmer et croire en ces attributs-là, mais bien entendu, on ne fait pas de tashbih, on ne fait pas de ressemblance, et on ne fait pas de tahrif, on ne déforme pas la signification de l'attribut. Et comme on voit ici dans le verset, quand on voit l'explication d'Abdullah ibn Abbas, c'est une explication du verset, et non pas une explication de l'attribut elle-même. C'est une explication du verset en entier. Il clarifie la signification du verset. Mais il n'a pas nié l'attribut. Abdullah ibn Abbas n'a pas dit « Allah n'a pas une jambe. Hein? » Donc, c'est pour dire qu'on affirme l'attribut, mais on ne dit pas que cet attribut-là, elle est comparable ou ressemblante à l'attribut des créatures. Il y a une différence. Hein? Donc, et on ne fait pas de déformation, et on ne demande pas le comment, on n'essaie pas non plus de l'imaginer dans nos esprits, comment elle peut être. On croit à l'attribut tel qu'elle est mentionnée, hein, et on l'affirme, et on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Donc ça c'est la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Donc après le cheikh il dit wa kadhalika tanaza'u as-sahaba fi ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu laylat al-isra fa hunaka infikak fi al-jiha. فمن أثبت الرؤية أراد القلبية ومن نفى أراد البصرية والقولان متفقان. De même que en ce qui concerne le désaccord entre les Sahaba au sujet de est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur durant la nuit de l'ascension, hein, Laylat al-Isra, est-ce qu'il a vu son Seigneur ou non? Il y a eu une divergence entre les Sahaba à ce sujet-là. Et la divergence, elle vient du fait que il y en a qui l'ont affirmé, il y en a qui l'ont nié. Hein? Il y en a qui ont dit oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur le jour de l'Isra ou la nuit de l'Isra, et d'autres ont dit non, il n'a pas vu son Seigneur la nuit de l'Isra. Et le cheikh il explique que ceux qui l'ont affirmé, qui ont affirmé qu'il l'a vu son Seigneur, ils ont affirmé ça en disant que c'était une vue qui était une vue du cœur, ru'ya qalbiya. Et ceux qui l'ont nié, ils l'ont nié par rapport en disant qu'il n'a pas vu avec ses yeux, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux. Donc les deux sont en accord en réalité, il n'y a pas de divergence. Sauf que certains ont affirmé une vue du cœur, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont nié? Ils ont nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait vu avec ses yeux. Et donc, en réalité, les deux positions sont en accord l'une avec l'autre. Sauf qu'en apparence, on pourrait croire que les sahabes ont divergé à ce sujet-là. Mais c'est des genres de divergences. Parfois, les gens, ils entendent ça, ils pensent que c'est des divergences, alors que c'est pas des divergences. Et c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème parfois qui arrive, du fait que certains vont dire « Ah ouais, mais les sahabas, ils ont divergé. » Non, ils ont pas divergé réellement. C'est différentes compréhensions qu'ils avaient, et donc ils ont, en même temps, ils disaient la même chose, mais ils disaient pas la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, ils étaient d'accord en réalité. Mais ils utilisaient deux façons différentes de s'exprimer. C'est ça ce qui fait qu'en apparence, on aurait l'impression que ils sont en désaccord entre eux. Après le cheikh il dit wa kadhalika al-iqtital bayna Muawiyah bayna Ali wa Muawiyah lam yakun ala al-imama wa inma huwa qital bi ta'wil sa'ir li ta'ati ghayr al-imam la ala qa'idatin diniyah. Le cheikh il dit en ce qui concerne également la bataille qu'il y a eu ou le combat qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma, c'était pas pour une question qui est reliée avec le fait que un voulait le pouvoir sur l'autre ou que Muawiyah voulait prendre le pouvoir. Non, c'était pas ça la raison du combat. Hein, il y a eu un combat entre les deux, mais c'était basé sur une interprétation qui était valable, hein, de la part d'un d'entre eux, et ils se sont basés sur une ijtihad qu'ils ont fait. Mais c'était pas une bataille ou un désaccord qui était basé sur les principes de la religion et la croyance et les principes de la foi ou les principes de la religion. Ils étaient tous d'accord sur ça. C'est juste qu'ils avaient eu une divergence dans leur compréhension ou bien dans leur ijtihad. En ce qui concerne le cheikh dit Amma al-harbu bayna Talha wa Zubayr wa bayna Ali, hein, فكان كل منهما يقاتل عن نفسه ظانا أنه يدفع صول غيره عليه ولم يكن لعلي غرض في قتالهم ولا لهم غرض في قتاله ولكن لما علم بعد قتلة عثمان أن الأمر قد ينتظم بين الطرفين فيتمكن منهم حمل على أحد العسكرين فظن الآخرون أنهم بدأوا بالقتال فوقع القتال. Ça c'est rapporté dans Minhaj al-Sunna par l'imam Ibn Taymiyyah ici, la page 6, volume 6 à la page 328, tout ce qu'on a mentionné des exemples là. Et cet dernier exemple, c'est la bataille qu'il y a eu entre Talha Az-Zubayr et Ali radiyallahu anhum. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, il y a eu une bataille, mais ils ne voulaient pas se battre entre eux les trois, leur but c'était pas de faire une bataille. Chacun voulait se protéger l'un contre l'autre parce qu'ils croyaient que ils étaient attaqués de l'autre côté ou par le côté de l'autre. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les ennemis, hein, de, en fait, ceux qui avaient tué Uthman, c'était les gens qui avaient suivi Abdullah ibn Saba, hein, les Khawarij, hein, qui avaient fait une révolte contre Uthman ibn Affan et qui l'avaient tué, ils ont eu peur qu'il y ait un accord entre Ali et Az-Zubayr et Talha et les autres Sahaba et qu'ils se réunissent ensemble pour se venger des gens, ou bien pour punir plutôt ceux qui ont tué Uthman. Donc, étant donné qu'ils ont eu peur de cet accord-là entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éparpillés parmi les différents groupes durant la nuit. Hein? Les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba et se sont dispersés. Une partie sont allés dans le groupe de Ali et une autre partie sont allés dans le groupe des autres. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à s'envoyer des flèches d'un côté et de l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacun se sont réveillés en s'imaginant que l'autre groupe avait commencé à attaquer. Et donc, la guerre est partie à cause de ça. À cause de ces provocateurs-là qui s'étaient organisés justement pour faire cette escroquerie-là, cette ruse, hein, et pour créer la guerre entre eux. Alors qu'à la base, ils ne s'étaient pas réunis dans le but de se combattre les uns les autres. Mais les gens qui ne connaissent pas les détails de ces choses-là, ils vont essayer de donner à ces événements-là d'autres explications et d'autres interprétations pour faire la fitna. Et en particulier les Rafida parmi les Shi'as, ils déforment les réalités historiques pour les interpréter d'une manière pour essayer de supporter leur déviation et leurs fausses croyances à ce sujet-là. D'accord? Donc ça c'est en ce qui concerne ces points-là. Et ensuite, il y a un autre chapitre qui est mentionné, qui suit ça. Et on va essayer de le lire. C'est que « Sihhatul aqidah sababun l'idraq al-haq wa istijabati al-du'a » C'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne aqidah, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de comprendre la vérité et que Allah va répondre à ton invocation. Tandis que quelqu'un qui n'a pas une bonne aqidah, c'est très difficile pour lui de trouver la vérité. Même s'il l'entend et même s'il la voit devant lui, il a de la difficulté à la suivre et à l'accepter. Donc le cheikh, il donne l'exemple. Il dit, il explique. « Sihhatul i'tiqad tuqawwi al-idraq wa tusahihuhu. فلذلك تجد أهل السنة موافقين للحق في الحلال والحرام وإدراكهم له وإصابتهم للصواب فيه أكثر ممن بعد عن السنة وبمقدار البعد عن السنة يضعف إدراك الحق في الحلال والحرام وغيره ولذلك تجد من كان أعمى في العقيدة فهو في غيرها أعمى وأضل سبيلا. Le cheikh il dit, le fait d'avoir une aqida qui est correcte, ça renforcit ta compréhension et ça corrige aussi ta capacité à capter et à avoir une bonne réception des questions de la religion. Et donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que tu trouves que les gens qui sont sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, en grande partie, ils sont d'accord sur la vérité en ce qui concerne le halal et le haram. Hein? Et ils le comprennent et ils ont une réception de ces questions-là beaucoup plus approfondie et beaucoup plus claire. Et leur façon d'atteindre la vérité dans ces questions-là est beaucoup plus grande, hein, que la personne qui s'est éloignée de la sunna et de la bonne aqidah. Hein? Parce que quand on dit sunna aussi, c'est un synonyme de aqidah. Et il faut bien le comprendre. Parce que des fois, il y a des gens qui s'imaginent que quand on parle de sunna, on parle de suivre d'appliquer certaines choses qui sont des choses recommandées de la religion, qui ne sont pas obligatoires. Et nous, on ne parle pas dans ce sens-là. Quand on parle de aqidah, on parle de l'islam en entier. Quand on parle de sunna et on parle de aqidah en particulier, des questions de aqidah. Donc, le cheikh, il dit que plus une personne est éloignée de la sunna, plus sa réception et sa façon de comprendre la religion et la vérité en ce qui concerne le halal et haram est faible. C'est-à-dire plus qu'il aura de la faiblesse dans sa compréhension de ce qui est halal et ce qui est haram. Et ça, on peut le constater quand on compare la façon dont les hizbiyyins analysent et prennent en considération les questions pour rendre halal ou haram les choses. Eh bien, leur compréhension est très très éloignée de la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et c'est pour ça qu'on retrouve chez eux beaucoup de problèmes. Justement, ils rendent des choses haram halal et des choses halal ils les rendent haram. Ils mélangent le vrai et le faux à cause de leur erreur dans l'aqida. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que tu trouves que celui qui est aveugle au sujet des questions de aqida, eh bien dans le reste des autres questions de la religion, il est encore plus aveugle que ça et encore plus égaré du droit chemin. Et ça, c'est une réalité. Comment quelqu'un pourrait avoir ou atteindre la question, dans les questions de halal et de haram, pourrait avoir ou atteindre la vérité, alors que dans le fondement de la religion, il est dans l'égarement. Hein? Donc c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Et c'est pour ça qu'on retrouve parmi ces gens-là beaucoup plus d'égarement et beaucoup plus de contradictions et d'erreurs dans ces questions-là. أما الخطأ والغلط الذي يحصل لبعض أئمة السنة في الحلال والحرام فهو من لوازم بشريتهم وانتفاء العصمة عنهم. Le cheikh dit, en ce qui concerne les erreurs qui peuvent se produire chez certains parmi les imams de la sunna au sujet du halal et du haram, et bien ça c'est parmi les choses qui font partie du fait que ce sont des êtres humains. Hein? Et comme on dit, l'erreur est humaine. En français, on dit l'erreur est humaine. Et donc, c'est normal qu'il y ait certains imams de la sunna qui se trompent parfois dans des questions de halal et de haram. Hein? Parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Hein? On ne croit pas, nous, les musulmans qui suivons la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, nous ne croyons pas en l'infaillibilité des imams, contrairement aux gens de Bid'a, contrairement aux Rafida qui attribuent à leurs imams l'infaillibilité, et contrairement aux soufis qui attribuent à leurs chouyours l'infaillibilité et la connaissance du raïb et le pouvoir sur l'univers, ainsi de suite. Hein? Donc nous, on n'a pas ce genre de croyances-là. Le cheikh il dit, « وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين أهل الحديث وكذلك أهل الحديث أهل السنة والحديث تجدهم تجدهم كذلك ممتعين وذلك لأن الاعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Donc le cheikh ici il mentionne une parole de Ibn Taymiyyah qui est une parole vraiment incroyable, hein? En fait, quand je dis incroyable, c'est une façon de parler, parce que c'est pas qu'elle est incroyable dans le sens qu'on peut pas y croire, c'est incroyable dans le sens au contraire que c'est vraiment merveilleux en fait qu'est-ce qu'il explique, et c'est quelque chose qu'on peut constater en fait dans la réalité si on réfléchit là-dessus. Cette citation, elle est dans le volume 4 de Majmou al-Fatawa à la page 10. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne dans cette citation-là que toute personne qui fait une lecture de ce qui se passe dans le monde, l'état du monde, il va constater que les musulmans sont yani plus précis et plus comment je pourrais dire asset, hein? Bon, je vais donner le sens dans le sens, il dit ahad ou asad, aqlan, c'est-à-dire ils sont plus comme ahad, c'est-à-dire quelque chose qui est aiguisé, hein? Donc ils sont plus précis, plus aiguisés, plus raffinés et plus corrects dans leur raison, dans leur façon de raisonner que les autres. Et ça, c'est exprimé par le fait qu'ils sont capables de comprendre et ils ont une réception, hein, et une compréhension dans une période très courte de temps. Ils sont capables de comprendre des réalités scientifiques et des applications, hein, que d'autres peuples ou des gens de d'autres religions ont pris des siècles et des générations à comprendre. Tandis que les musulmans, eux, en peu de temps, en peu de générations, ils ont arrivé à comprendre ces réalités-là et à les adapter et à les utiliser. Et ça, on le voit même aujourd'hui, à l'époque moderne, hein. Toutes les trucs technologiques et les choses que les gens ont inventées, là, du moment que ça tombe dans les mains des musulmans, sur le coup, ils savent tout de suite, ils apprennent à l'utiliser et puis ça y est, hein. Il l'adapte très facilement et sans problème. Tandis que pour d'autres, peut-être ça va prendre des générations et des générations avant qu'ils arrivent à comprendre et à savoir comment en profiter. Et on a vu ça même dans les débuts de l'histoire de l'islam, comment la science a été développée par certains musulmans par la suite. C'est comme pour dire que, subhanallah, les musulmans, ils n'étaient pas des gens spécialisés dans ces sciences-là et dans ces développements-là, dans ces études-là, mais du moment qu'ils s'y sont mis et qu'ils ont commencé à les étudier par la suite, eh bien, ils les ont maîtrisés en très peu de temps. Donc c'est pour dire que ça, c'est quelque chose qui leur a été adapté du fait qu'ils sont plus proches d'une croyance correcte que les autres. Et plus quelqu'un, sa croyance est en accord et est proche de la vérité, du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs, et bien plus sa raison va être en équilibre et elle va être balancée également. Et ça va lui permettre d'assimiler d'autres sciences beaucoup plus facilement aussi. Et le Cheikh, il donne comme exemple, il dit, de même que les gens d'Ahl Sunna et les gens du Hadith, hein, tu trouves chez eux cette capacité-là encore plus que chez les autres, parmi les musulmans. Et donc, ça c'est la preuve, hein, qu'une bonne aqida qui est ferme, elle renforcit la compréhension des choses et elle corrige notre compréhension des choses et notre vision du monde également. Et ça met en équilibre en réalité tout le reste. Tandis que quelqu'un qui n'a pas une bonne aqida, même si tu lui donnes toutes les informations, toutes les choses qu'il a besoin de connaître, il n'est pas capable de l'assimiler comme il faut. Et il va mélanger entre le vrai et le faux là-dedans. Il ne va pas être capable de l'appliquer comme il faut. Il va l'utiliser pour le mal au lieu de l'utiliser pour le bien. Comme c'est le cas actuellement chez les gens qui développent, hein, la science en Occident. Parfois, on voit qu'ils l'utilisent pour faire de la pollution, pour faire de la destruction, hein, des choses de ce genre, au lieu de l'utiliser pour le bien de l'humanité et pour le bien de la nature. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, il mentionne le verset à ce sujet-là. « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا » Ceux qui ont été guidés, Allah leur augmente en guidance. Allah les augmente en guidance. Ça, c'est dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Et il mentionne aussi l'autre verset, c'est le verset 66, dans Surat Al-Nisa. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. C'est-à-dire, et s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, ça aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie, hein? Et alors nous les aurions donné certainement de notre part une grande récompense. 67 et 68, et nous les aurions guidés vers un droit chemin. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un a une bonne aqida, une bonne croyance, eh bien, il corrige leur compréhension des autres choses de la dunya également. وكذلك صحة الاعتقاد سبب لإجابة الدعاء فربما حرم المبتدع إجابة دعائهم في مواضع كثيرة بسبب سوء عقيدتهم. Il dit, Ibn Taymi, le cheikh il dit que la bonne croyance également c'est une des causes que notre dua va être exaucée par, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est bien possible que parfois certains mubtadi'a vont être privés de voir leur, leurs invocations exaucées dans plusieurs contextes et dans plusieurs occasions du fait que ils ont une mauvaise aqida. Hein? Et Cheikh al-Islam il dit dans Majmu' al-Fatawa le volume 14 à la page 33, il dit wa li hadha qila ijabatu ad-du'a takunu an sihhati al-i'tiqad wa an kamal at-ta'ah li'annahu 'aqqaba ayat ad-du'a biqawlihi falyastajibu li walyu'minu bi kama anna at-tawhid sababun liqillati al-fawahish فلذلك تجد المنكرات في بلاد التوحيد قليلة وفي كثير من الأحيان مستترة وعلى العكس من ذلك تجد بلاد المبتدعة كالرافضة تموج بالفواحش وإن زعموا تطبيق شريعتهم المبتدعة. Et ça c'est aussi vrai. Donc il mentionne ici les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans cette citation, dans le volume 14, page 33. Il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'on a une bonne aqida, ça fait en sorte qu'il exauce notre dua. Comme le fait que notre obéissance aussi est plus parfaite, plus elle est parfaite, plus Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre dua également. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset qui parle du dua, il dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, c'est-à-dire qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Donc c'est-à-dire qu'on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit croire en lui avec une bonne croyance, une bonne aqida pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Et ça c'est la fin de la citation. Ensuite le cheikh il mentionne, il dit que c'est pour ça que tu trouves que dans les pays où le tawhid est établi et appliqué, tu vas trouver moins de péchés. Parce que le tawhid est une des causes pour faire diminuer les turpitudes et les péchés dans une société. Tous les pays où il y a des bid'ah et du shirk et des égarements, tu trouves qu'il y a plus de corruption et de perversité dans ces sociétés-là. Comme par exemple, chez les chrétiens, hein, il y a beaucoup de péchés, on le retrouve. Chez les juifs, la même chose. Parce que les chrétiens, ils disent que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et du moment qu'il est venu mourir pour nos péchés, ça veut dire quoi? Mais ça y est, maintenant qu'il est mort pour tes péchés, fais ce que tu veux, hein. Parce que de toute façon, tu es sauvé. Et donc, tu les vois en train de se laisser aller dans les péchés parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, on est sauvé. Jésus est mort sur la croix. Ils disent que Jésus est mort sur la croix. Son sang a coulé pour nous. On est sauvé du péché. Maintenant, ça y est. Et donc, ils se permettent. Chez les soufis, c'est la même chose. Quand ils rentrent avec leur cheikh, ils donnent la bay'a au cheikh, ils font les adhkar et tout, la bid'a de leur cheikh. Et puis, ils croient que ça y est. Le cheikh va les sauver au jugement dernier. Et il y a même une histoire est rapportée par Ibrahim Nias. Hein, un des soufis du Sénégal de la Tariqa Tijaniya, il raconte qu'il y a un homme qui a fait le zina avec une femme Tijaniya. Et il a dit à cause du fait qu'il a fait le zina avec elle, il va être au paradis. Parce qu'il a eu la baraka du cheikh de la Tijaniya en faisant le zina avec cette femme-là. Et il dit que même cette femme-là ne faisait même pas partie des femmes qui pratiquait le dhikr des tijanes. Mais du fait qu'elle a vu le cheikh, ou bien qu'elle a eu la baraka du cheikh, du fait que lui, il a fait le zina avec elle, ça y est, il va rentrer au paradis. Vous imaginez la corruption et l'égarement que ça peut répandre dans une société, ça, quand des gens ont cette idée de la religion, qu'ils pensent qu'en faisant le zina, ils vont rentrer au paradis parce qu'ils ont touché à une femme qui a soi-disant une baraka d'un cheikh. A'udhu billah. Alors que le zina, c'est une parmi les plus grandes fawahish, hein, et c'est un grand péché. Donc, ça, c'est des exemples d'idées que les soufis font répandre à la société. Sans oublier que eux-mêmes, parfois, ces chouyoukhs-là, ils font toutes sortes de contradictions à l'islam et ils essaient de le répandre parmi leurs fidèles. Donc ça c'est mentionné dans le livre Taqdis al-Ashkhas al-Fikr al-Sufi, dans les livres des Tijan, hein, ces histoires là c'est mentionné dans les livres des Tijan. Et Ibrahim Niass, hein, il y en a qui pensent que, hein, lui-même il dit, Ibrahim Niass au Soudan, il dit qu'il a pas au Soudan, au Sénégal, il dit qu'il avait atteint le degré de kun fayakun. C'est-à-dire quand il disait quelque chose, kun ça vient. Donc ça c'est ça. Et puis c'est vrai que, comme le cheikh dit, quand on n'a pas une compréhension du tawhid, vous voyez ça souvent chez les hezbiyens et chez les gens de bid'ah, vous trouvez que ils sont tout mélangés dans la religion, tout est mélangé dans leur tête. Tu leur parles de quelque chose, ils mélangent avec la politique, ils mélangent avec l'économie, ils mélangent avec toutes sortes d'affaires, parce que ils ont leur religion dans leur tête, elle est pas claire, ils n'ont pas de base, donc ils mélangent tout. Et donc c'est pour ça qu'ils posent plein de questions. Et s'ils connaissaient les fondements de l'islam et le tawhid et la base, je suis certain que 50% de leurs questions qui sont dans leur tête seraient éliminées tout de suite, automatiquement, du fait qu'ils comprennent le tawhid. Parce que le fait de ne pas comprendre la base, c'est ça ce qui fait que les gens posent trop de questions. Mais du moment que ta base elle est claire et elle est comprise et bien établie, eh bien le reste va être clair. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, tu vas trouver dans les pays, le pays du tawhid, tu trouves moins de péchés. Et si tu trouves des péchés, tu vas trouver des péchés, mais c'est caché, c'est en cachette. Hein? Tandis que les péchés, les autres pays, des gens de bid'a, au contraire, tu peux trouver les péchés, ça envahit la société. Et c'est ouvert, fait en plein jour. Sans parler des pays non musulmans. Et souvent les pays non musulmans, les koufars dans les pays non musulmans, comme ici ou bien ailleurs, ils disent, oh ouais, dans vos pays, il y en a plein de péchés aussi, hein, il y a plein de choses qui se passent. Et ils sont bons justement à faire sortir justement dans les médias toutes sortes de choses qui peuvent se produire dans les pays musulmans comme péchés. Sauf que ces péchés-là, en grande partie, c'est des choses que les gens font et ils ont honte de les faire. Et ils se cachent pour les faire. Maintenant, regardez les crimes que les gens ici dans les sociétés de Kufr sont en train de faire en cachette. Et ça, c'est là vous allez vraiment tomber dans l'égarement, dans la corruption, dans la perversité, dans le sens que ce sont des choses criminelles. Hein? Maintenant, c'est rampant. Maintenant, des choses, on va pas mentionner les choses qu'ils font, mais c'est grave. Donc, et dans les pays des gens de bid'a, c'est la même chose. Dans les pays où vous trouvez que le soufisme est répandu, c'est là que vous trouvez plein de péchés, de sihr, de bid'a, de toutes sortes de choses, de shirk, d'égarement. On va pas mentionner des noms des pays musulmans, mais c'est juste pour que vous faisiez pour faire le lien dans vos esprits entre le fait que quelqu'un est sur le tawhid et la sunna et l'état du pays dans lequel il vit. Si la sunna et le tawhid est établi, on voit la réalité, les effets de ça dans la société également. Il y a beaucoup moins de problèmes et de péchés dans ces pays-là. Après, il dit, même si, par exemple, en Iran, juste pour vous donner un exemple, en Iran, eh bien, vous voyez la prostitution illégalement là-bas, et ça, c'est juste des petits péchés par rapport au shirk, hein, qu'ils font, l'adoration des tombes, et le fait qu'ils cherchent le secours des morts, ainsi de suite. Donc, il y a ça. Après, le cheikh dit, وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية فإن البدع في الدين سبب الفواحش وغيرها من المنكرات كما أن إخلاص الدين لله سبب التقوى وفعل الحسنات قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le fait que les chiites, ils croient que le mut'a c'est permis, donc ils font là-bas, il y a la prostitution, c'est institutionnalisé maintenant à cause de à cause de la mut'a. Mais ça, c'est rien, comme je disais tout à l'heure, par rapport au shirk et au kufr qu'ils font par rapport à leurs imams et qu'ils les invoquent et qu'ils les adorent en dehors d'Allah et qu'ils font des pèlerinages à leurs tombes, hein, à Najaf et à Karbala et ailleurs aussi. Donc ça, c'est des exemples. Et Ibn Taymiyyah, il dit dans cette citation ici, wa qawluhu wa la'allakum tattaqun muta'alliqun biqawlihi ubudu rabbakum la'alla at-taqwa tahsulu lakum bi'ibadatihi. Ça, c'est une citation qui est tirée de Ar-Radd ala al-Bakri, le volume 1, à la page 274. Ibn Taymiyyah, il dit que les bid'a dans la religion, c'est une des causes de la, que les péchés et les turpitudes vont être répandus dans la société, c'est-à-dire les zina et l'alcool et les autres péchés, et de même que les autres crimes et les autres péchés dans la société, à cause des bid'ahs, ça va se répandre. Tandis que, par opposition à ça, l'ikhlas, la sincérité dans la religion et la pureté du tawhid, hein, et ben ça va faire en sorte qu'on va atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous pousse à faire des bonnes œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, ô vous qui avez cru, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, pour que vous puissiez être parmi ceux qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui ont la crainte d'Allah, qui font ce qui est ordonné et qui s'écartent de ce qui est haram, et qui ont peur du châtiment d'Allah. Donc, la'allakum tattaqoun, pour que vous ayez at-taqwa, c'est relié à u'budu rabbakum, adorer votre Seigneur. Donc, plus tu unifies ton Seigneur, tu appliques son tawhid et tu l'adores lui seul, ça veut dire que tu vas atteindre at-taqwa en l'adorant, hein, et en l'unifiant. Et il dit, wa min ajli hada kullihi, le cheikh, l'auteur, il dit, ومن أجل هذا كله وغيره لا بد من الاعتناء بالعقيدة أولا وهذا هو ما بعثت به الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc ici le cheikh il dit, pour terminer, c'est à cause de tout ça, ce qu'on a expliqué, qu'on doit commencer et qu'on doit mettre plus d'importance et s'occuper de plus, en priorité, de la question de l'aqida. C'est pour ça que nous, on répète toujours, l'aqida, c'est la priorité, c'est la priorité, c'est la priorité. Hein, les hezbiyyin et les gens de Bédan disent, vous parlez juste d'aqida, vous parlez juste de tawhid, vous parlez toujours de tawhid, vous parlez rien d'autre. Eh bien, c'est pour ça qu'on a expliqué maintenant, vous comprenez maintenant les raisons pourquoi on se concentre fondamentalement sur ça. C'est pour ça que les messagers ont été envoyés, pour établir le tawhid. Adorez votre Seigneur, vous n'avez pas de divinité autre que lui. Vous n'avez pas le droit d'adorer rien autre que lui. Et Amr ibn al-As, un des sahaba, il disait, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, que la meilleure chose qu'on peut répéter, c'est de dire, de faire le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera inshallah le cours prochain, la suite de ce cours, de ce livre inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.